بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد On continue inshallah ta'ala nos cours relatifs au fiqh et à l'explication de ce livre Manhaj al-Salikin l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala et nous avions terminé la dernière fois babu al-Najasat Et nous allons débuter un nouveau chapitre, Inch'Allahu Ta'ala, Babu Sifatil Wudu, chapitre concernant la description d'Al-Wudu, yani des ablutions. فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونهوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه Donc il commence la description des ablutions et commence en expliquant, il dit, et les ablutions c'est le fait de mettre l'intention d'enlever ce qui a annulé les ablutions, d'enlever cet état d'impureté, ou de faire les ablutions pour la prière, ou autres parmi les adorations qui ont besoin d'al-wudu, des ablutions. Quelle autre adoration on a besoin ? At-tawaf. Le fait de tourner autour de la Kaaba nécessite les ablutions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tawaf kas-sala. La tawaf, c'est comme la prière. D'accord ? Excepté, il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il est permis de parler durant le tawaf. Et il n'est pas permis de parler pendant la prière. Quelle autre obligation ? Quelle autre adoration ? On a besoin des ablutions. Non, mashul mushaf, le fait de toucher le mushaf. Même s'il y a une divergence entre les savants de l'islam, ce qui apparaît être le plus juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que pour toucher le mushaf, il faut avoir les ablutions. Taïb, quand on dit le mushaf, c'est le mushaf, il est en arabe. Le kamil, comme on l'appelle ici, que en arabe. On ne parle pas de la traduction en français, ou dans une autre langue. Taïb. Donc ici, il commence avec la niyya, yani l'intention. Et il dit que l'intention est une condition pour toutes les œuvres, que ce soit pour la purification ou pour autre. Et c'est quoi la preuve ? La preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous, « Innamal a'malu bin niyyat ». Et certes, les actes ou les œuvres ne valent que par leur intention. Et chaque individu sera récompensé pour son, ou sera rétribué pour son intention. Il nous dit notre cheikh Cheikh Arafat hafizahullah ta'ala ay yatawadda bi niyya raf' al hadath wal wudu inma ya'mal al hadath al asghar wal hadath al akbar fala budda min al ghusl. Donc il dit ici, quand on fait les ablutions, on doit avoir l'intention d'enlever c'est ce qui a annulé nos ablutions, ce qui nous a rendu impurs. Donc notre intention, c'est d'enlever cela pour devenir pur. Et ça, c'est seulement pour la petite impureté, on va dire la petite situation d'impureté. Car si on est dans la grande ou l'impureté majeure, comme la sortie du mani, du sperme, etc., là, c'est obligatoire de faire quoi ? Le rousse, le grand lavage, comme on va voir après, inshallah. Concernant la niyya. اختلف في وجوب النية الأحنف مع جماهير العلماء. Il faut savoir que la très grande majorité des ulama, des savants, hein, mentionnent que la niya, l'intention, est une obligation pour al-wudu. Seulement l'ahnaf, ceux qui suivent l'imam Abu Hanifa, eux ils disent que ce n'est pas une intention. Eux ils disent que cela n'est pas une intention, c'est-à-dire qu'on, ou plutôt qu'on n'a pas besoin de l'intention, pardon. Qu'on n'a pas besoin d'intention. Selon eux, si l'eau est pure et on se lave, hein, comme les ablutions, si on n'avait pas l'intention, pour eux c'est valable. Et bien sûr, cet avis n'est pas correct. Et ce qui est correct, c'est l'avis de la majorité des ulema, hein, qui dit que l'intention est obligatoire. Tu dois avoir l'intention de ton cœur pour que tes ablutions soient valides. Hein. Et pourquoi, hein, la Abu Dhabi Niyya, لِيَنَّ فِي الْآيَةِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ هَذَا الْقِيَامِ لَا بُدْ بِنِيَّةِ لَا يَقُمْ إِلَّا بِنِيَّةِ وَقَالَ بَعُ السَّلَفِ لَوْ كَلَّفْنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِأَنْ نَعْمَلَ الْعَمَلِ بِغَيْلِ النِّيَّةِ مَا اسْتَطَعْنَا. Pourquoi? Parce que ici, hein, il faut savoir, mes frères, pour les ablutions, il y a un verset dans le Coran qui est la base, la source. Hein, qui est la base, la source des ablutions. Et que je vous demande, hein, si vous ne le savez pas déjà, d'apprendre ce verset par cœur. « Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum ila al-ka'bayn. » Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, « idha qumtum ila salah » si vous vous levez pour la prière, ici quand tu te lèves pour la prière, tu te lèves pour une intention. Tu te lèves l'intention pour quoi ? Pour prier, yani pour te purifier, pour aller prier. Donc ta intention, elle est présente. Donc le verset sous-entend l'intention. Et même certains salafs, certains pieux prédécesseurs disaient, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala nous avons demandé d'œuvrer avec une œuvre sans intention, on n'en serait pas capable. Tout ce que tu fais, il y a une intention. Tu es assis, il y a une intention. Tu te lèves, il y a une intention derrière. Il n'est pas possible que tu fasses une chose sans que tu aies une intention. D'accord ? Taïb, al-muhim. إذا سمعت الأذان تقوم للوضوء فإرادتك للوضوء هي النية. Quand tu entends l'adhan, n'est-ce pas, tu te lèves, tu vas dans ta salle de bain, tu vas dans la salle des ablutions, tu fais des ablutions. Quand tu t'es levé, qu'est-ce que représente cet acte? Il représente ton intention, ta volonté d'aller faire tes ablutions. Donc forcément, tu as une intention. Fahimtoum? Tayeb. ثم يقول بسم الله. Donc après que tu as l'intention dans son cœur, hein, je vous rappelle que l'intention, elle est dans le cœur. Hein? Et c'est une bid'a, c'est une innovation de prononcer l'intention. Si tu dis, hein, al-an sa'atawadda kay usalliya salat adh-dhuhri, par exemple. Tu dis maintenant, je vais faire mes ablutions pour prier la prière de dhuhr, etc. Et tu prononces cela. Ça, c'est une innovation. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'intention, elle est où? Dans ton cœur. D'accord? Ensuite, il dit bismillah. Ani, la basmala. Il dit bismillah. Hada sunna. Wa wa madhhab al-jamahir. Akthar, yani akthar ahli ilm. Khilafan ta'ifa yasira ki ishaq ibn Rahouya. وذكر رواية عن أحمد وهو ليست المذهب يقولون البسملة شرط وإذا لم يأتي بها الوضوء باطل وهذا غير صحيح. Donc ça, le fait de dire bismillah avant de commencer les ablutions, c'est une sunnah. Et ça, c'est l'avis de la très grande majorité des savants. Hein? Il y a un petit groupe, hein, qui eux ont prétendu que la basmala, enfin bismillah, c'est une condition. Il dit, si tu ne dis pas bismillah avant de commencer les ablutions, selon eux, les ablutions ne sont pas valides. Et ça, comme on l'a ici, le Shir mentionne, hein, ce n'est pas la vie le plus, c'est pas la vie juste, ce n'est pas correct. Pourquoi ? Il y en a كثيراً ممن نقل الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان مثلا في الصحيحين وابي هريرة وعبد الله بن زيد وجماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم البسملة فلو كان شرطا لم يتركوها لا في الآية وكذلك لا في الآية التي جمعت الأحكام ولا في الوضوء لأن عثمان بعد انتهى من الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نهو وضوه هذا ولم يذكر البسملة. Donc pourquoi ceux qui disent que tes ablutions ne sont pas valides si tu dis pas basmala, pourquoi cet avis n'est pas correct et que l'avis correct c'est que le basmala c'est une sunna, hein, tu la prononces, c'est préférable, tu as plus de récompenses, mais si tu la prononces pas, tes ablutions restent correctes. Pourquoi on dit ça, hein? Parce que tous les hadiths ou beaucoup de hadiths qui ont été rapportés dans la sunna avec la description des ablutions, comme le hadith de Uthman dans le Bukhari et Muslim, ou le hadith d'Abu Huraira, ou le hadith de Abdullah ibn Zayd, hein, et d'autres parmi les sahaba, aucun d'entre eux n'a mentionné al-basmala dans leur hadith. Et dans le hadith de Uthman radiyallahu anhu, il a fait les ablutions, et quand il a fini, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions ainsi, hein, jusqu'à la fin du hadith, yani ce qui fait yani comme mes ablutions, les ablutions parfaites. Il n'a pas mentionné al-basmala. Il n'a pas mentionné dedans al-basmala. Également dans le verset. Dans le verset, il n'y a pas la mention du basmala. D'accord ? Car la règle, c'est que tout ce qui est venu dans le verset qu'on vous a cité, hein, c'est les obligations des ablutions. C'est les choses obligatoires à faire pour que les ablutions soient valables. Et le basmala, il n'y a pas la mention du basmala. Donc ceci nous prouve quoi ? Ce nous prouve que ce n'est pas à une condition, ou ce n'est pas à une obligation des ablutions. Fahimtum ? Amma al-hadith inda Abi Dawud wa ghayrihi la wudu'a ala man la yathkur isma Allah. La wudu'a ala man lam yathkur isma Allah alayhi. Hadha fi Abi Dawud wa ghayrihi. Il y a un hadith dans Sunan Abi Dawud et autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Hein? Ici, Cheikh Arafat, hafizahullah ta'ala, mentionne Adam ma'loul, la yusah, hatta law sahha, hein, wa ba'd al-ulama yani qad sahhahu, laysa fihi dalil 'ala ash-shartiyyah, lian al-maqsoud bil istihbab. لأن المقصود به الاستعباب والكمال أي لا وضوء كاملا. Première chose qu'on peut dire sur ce hadith, certains savants l'ont rendu faible, ils ont dit qu'il n'est pas authentique, donc on peut pas le prendre en considération. D'autres ont dit si, il est authentique, mais même si on prend l'avis de ceux qui disent que le hadith est authentique, hein, ils ont expliqué que la وضوء إلا لمن لم يذكر اسم الله, hein, c'est-à-dire pas d'ablution complète, pas d'ablution parfaite pour celui qui ne mentionne pas, hein, le nom d'Allah, et qui dit la basmala. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les ablutions sont annulées, ça veut dire qu'elles ne sont pas complètes. Fahimtoum ? Vous avez compris ? Ahsant. Thumma qala al-musannif rahimahullah wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Ensuite il dit, et il lave ses mains trois fois. هذا سنة على اتفاق على الاتفاق إلا في حال واحد إذا قام من نوم الليل وأراد أن يتوضأ وكان الماء في إناء فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هذا الشرط بالماء هذا بشرط الماء يكون في إناء وبشرط أن يقوم من نوم الليل لماذا للنصوص واضحة جاءت في مسند الإمام أحمد إذا قام أحدكم من الليل وفي رواية فأنه لا يدري أين باتت يده والمبيت لا يكون إلا في الليل هذا مذهب أحمد وهو الصواب. طيب il lave trois fois ses mains, n'est-ce pas que, hein, les ablutions vous savez tous les faire, n'est-ce pas que, hein, après avoir mis l'intention dans le cœur, on a dit Bismillah, qu'est-ce qu'on fait après? On lave ses mains 3 fois, n'est-ce pas? Ça, c'est une sunna. C'est une sunna, c'est pas obligatoire. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est une sunna, selon le consensus des savants. Excepté dans une situation où c'est obligatoire. Quand est-ce? Quand tu te lèves de la nuit. Quand tu te réveilles de la nuit, hein, avant le fajr, que l'eau est dans un récipient, tu n'as pas le droit de mettre tes mains directement dans le récipient. Tu dois les laver 3 fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pour celui qui se levait de la nuit, hein, de mettre ses mains directement dans l'eau. Hein. Et il a dit, hein, si un d'entre vous se lève de la nuit, hein, et dans une version il a dit, hein, car il ne sait pas où ses mains ont passé la nuit. Le verbe ici en arabe, hein, qu'il a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, implique la nuit. Ce qui veut nous dire ici, le shir, c'est quoi? C'est que si tu dors, par exemple, hein, tu t'endors après le dhuhr, ça ne compte pas. Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que tu te réveilles de la nuit. Parce que le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe pour celui qui dort la nuit. D'accord? Donc, si tu te réveilles, hein, de la nuit, hein, tu as un récipient avec de l'eau dedans, tu dois obligatoirement, c'est obligé de laver tes mains avant de les mettre dans le récipient. Fahimtoum? Mais à part cette situation, le fait de laver 3 fois ses mains avant les ablutions, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, je peux commencer mes ablutions directement avec la bouche et le nez. Vous avez compris? Hein? Et l'erreur de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ils ont pensé qu'ils ont lavé 3 fois leurs mains. Quand ils lavent leurs bras, ils lavent que jusqu'au poignet. Ils lavent pas les mains. Ils disent, j'ai lavé au début. N'est-ce pas? Il y en a, ils font ça. Leurs ablutions n'est pas valide. Car les mains doivent être lavées au moment du bras. Les 3 fois que tu as lavé avant, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Fahimtoum? Vous avez compris? Taïb. ثم c'est ma faute, c'est ta faute. Yani, le fait de laver 3 fois ses mains avant les ablutions, c'est une sunna, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Excepté si tu te lèves la nuit et que tu as de l'eau dans un récipient. Et là, tu veux prendre l'eau, là, tu es obligé de laver tes mains avant de mettre tes mains dans le récipient. C'est obligatoire. Parce que le prophète, il a interdit de mettre les mains de celui qui se réveillait de la nuit dans un récipient où il y avait de l'eau. Tu as compris maintenant? Taïm. Thumma yatamadmada. Thumma yatamadmad. Wa yastanshiq. Thalathan bi thalathi gharafat. Ensuite, il fait le madmada. Et il fait l'istinshaq. Hein, avec 3 poignées d'eau. Al-anf haqquhu al-istinshaq. Quand on met l'eau dans le nez, on appelle ça l'istinshaq en arabe. Le fait de mettre l'eau dans le nez, on appelle ça quoi? Istinshaq. Tayeb. Wal-fam haqquhu al-madmada. Et le fait de mettre de l'eau dans la bouche, ça s'appelle al-madmada. Retenez bien les noms en arabe, c'est important. Hein, comme ça, c'est quoi? Al-madmada. Et le mettre de l'eau dans le nez, c'est al-istinshaq. Ici, le shir n'a pas mentionné, mais comment on appelle le fait de sortir l'eau du nez? C'est pas le même verbe. Hein? Le rentrer, c'est l'istinshaq. Et sortir l'eau? Est-ce que quelqu'un sait? Istinshaq, c'est le fait de rentrer. Le fait de sortir, personne ne sait? Al-istinthar. Al-istinthar, c'est le fait de sortir l'eau du nez. Mais forcément, si tu le rentres, tu le sors. Voilà pourquoi il n'a pas mentionné l'istinthar ici. Parce que, hein, mais il est venu dans certains ahadith. Fahimtoum? Vous avez compris? Tayeb. Wahuma min al-wajibat. Hein, le fait de laver la bouche et le nez, ça fait partie des obligations des ablutions. Kama jaha fi hadith Laqit ibn Sabra radiyallahu anhu. Comme il est rapporté dans le hadith de Laqit, hein, où il a dit. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مضمد وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit مضمد, يعني fais le مضمد, nettoie ta bouche et insiste dans l'istinshaq, يعني rentre bien l'eau dans ton nez, excepté si tu es en état de jeûne. Si tu jeûnes, alors ne rentre pas trop l'eau. L'eau ne rentre pas l'eau dans ton nez trop loin. Parce que des fois, l'eau, elle peut rentrer en ton nez jusqu'à aller à ta gorge. Et ça annule ton jeûne. Donc quand tu fais le jeûne, hein, tu fais attention de ne pas mettre trop l'eau trop profond dans ton nez. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ici. وقال العلماء أن المضمضة والاستنشاق في الوجه والله أمر بغسل الوجه فتدخل في أمن غسل الوجه. Les ulama, ils ont dit quoi? Parce que Allah dans le verset dit quoi? Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum. Ô vous qui croyez, si vous vous levez pour la prière, lavez vos visages. Il n'a pas dit le nez et la bouche. Les ulama expliquent que le nez et la bouche, ils se trouvent où? Sur le visage. Et donc ça fait partie de l'ordre d'Allah Azza wa Jal de laver le visage. Fait partie de cela quoi? Le nez et la bouche. Ici, il n'a pas mentionné, hein, mais on peut laver la bouche en premier, ensuite laver le nez. Également, il est rapporté dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait la bouche et le nez avec la même poignée d'eau. Il faisait comme ça, d'un coup, hein, et après, il ressortait, hein, trois fois. D'accord? Donc, avec la même poignée d'eau, il faisait la bouche et le nez. Ou alors, tu peux faire trois fois la bouche et ensuite trois fois le nez. Hein, on va voir sur le nombre de fois aussi, hein, la parole de l'auteur. Fahimtoum, vous avez compris? Vous suivez là jusqu'à maintenant? ثم يغسل وجهه ثلاثا. Ensuite, il lave son visage trois fois. هو ركن بالاتفاق فاغسلوا وجوهكم. Ça, c'est un pilier des ablutions selon le consensus des savants, le fait de laver le visage. Pourquoi? Allah dit فاغسلوا وجوهكم et lavez vos visages. Hein, le visage, il commence ici, là où commencent les cheveux, hein, là où tes cheveux commencent. Hein, ça, c'est le haut du visage. Jusque là, ici, sous le menton. D'accord? Jusqu'à sous le menton. Et là, à partir d'ici, de l'oreille à droite, jusqu'à hein, où commence l'oreille à gauche. Tout ça, c'est le visage. D'accord? Ok? Tayyib. وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا. Toi, t'as إِلَى? Sur ton nusra? إِلَى. Ouais, ouais. Dans ma nusra, moi, j'ai ma'a. Et vos mains jusqu'au, il lave tes mains donc jusqu'au coude trois fois. هو ركن من أركان الوضوء من نفس الآية لأن كل ما جاء في الآية هو ركن من أركان الوضوء. Il a dit donc ça aussi, le fait de laver les mains, c'est pas les mains que ça. Hein. En arabe, les mains c'est tout ça, d'accord. Donc jusqu'au coude tout ça, hein, donc à partir du bout des doigts jusqu'au coude, hein, c'est la main. D'accord? Donc elle doit être lavée. Ça, c'est un pilier. Parmi les piliers des ablutions. Pourquoi? Pour laver pareil, le même verset. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-mirfaqayn. Et lavez vos mains jusqu'au coude. D'accord? Lakin ja'a al-khilaf wa al-khilaf yasir fi al-mirfaqayn. Qala al-mu'allif illa al-mirfaqayn wa yaqsid bidhalika ma'a al-mirfaqayn. La petite divergence qu'il y a chez les savants, c'est concernant le coude. Ici, hein, il dit jusqu'au coude. Le mot « il est » en arabe. Jusqu'au. Mais ce qui est voulu, jusqu'au coude, c'est-à-dire avec le coude. C'est-à-dire le coude, il rentre dans le lavage. Faites attention, quand vous lavez, hein, vous vous arrêtez avant le coude. Non, lavez aussi le coude. Parce qu'ici, le sens c'est, de « il est », c'est « ma » avec. اختلف العلماء في معنى إلى في الآية إلى المرا إلى المرافق فقالت طائفة بمعنى إلى ما قبل الله قال في القرآن وأتم الصيام إلى الليل ها إلى الليل المعنى إلى ما قبل الليل ها. Donc il y a une petite divergence. Certains savants ont dit إلى ici jusqu'où, c'est-à-dire jusqu'avant le coude. On s'arrête ici. Ils disent pourquoi il est ici, ça veut dire jusqu'avant. N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala dit au sens approché et complétez votre jeûne, il est l'ail jusqu'à la nuit. C'est-à-dire jusqu'avant la nuit. Est-ce que la nuit elle rentre dedans? Non. La nuit, tu jeûnes pendant la nuit? Non. Donc le il est ici, jusqu'où? Ça veut dire jusqu'avant la nuit. Donc ils disent pareil ici, jusqu'avant le coude. Vous avez compris? Ah, c'est, ils ont un bon argument, non? Ah, ils ont un bon argument. On va s'occuper de ça, inshallah. والطائفة وهو الصواب قالت المراد بإلى مع. لأن اللغة العربية جاءت بذلك. قال الله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع، وقالوا كذلك أن السنة جاءت بذلك. فلما توضى الصحابة ووصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون فاغسلوا يديه إلى المرفقين حتى شعرها في العضد. Un autre groupe de savants, et c'est ça qui est le plus juste, on dit que le sens de jusqu'au, c'est-à-dire avec les coudes. Pourquoi ? Parce que la langue arabe également veut dire cela. Dans la langue arabe, il est veut dire aussi ma'a, avec. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il vous rajoutera à la force, vous rajoutera une force avec votre force. Il a dit. Il est kuwatikum. Mais ici, bimana, ma'a, avec. Donc on voit que la langue arabe aussi, le mot il est veut dire aussi ma'a, avec. Et aussi, ce qui vient confirmer ceci, c'est la sunna. Les hadiths de la description des ablutions, le coude était compris dedans. Même certains sahaba sont montés encore plus haut que le coude. Ce qui indique que le coude rentrait dans le lavage des mains. Vous avez compris ? وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ مَقْدَمِهِ إِلَى قَفَاهِ بِيَدَيْهِ. Ensuite, il passe les mains mouillées sur sa tête, en commençant ici, au niveau du front, jusqu'à sa nuque, avec ses mains, avec ses deux mains. ثُمَّ يَعِيدُهُمَا إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي بَدَى مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدًا. Ensuite, une fois qu'il est là, il revient à l'endroit où il a commencé, juste une fois. طيب. وَهَذَا أَيْضًا رُكْن اتَّفَقَ الْعُلَمَا بِنَفْسِ الْآيَةِ. Ça aussi, c'est un pilier des ablutions. Pour le même verset, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. Et passez les mains mouillées sur vos têtes. لَكِنَ الْخِلَافِ هُوَ فِي الْمِقْدَارِ. يعني في مقدار المسح. في هذه المسألة ثلاثة أقوال. Mais par contre, ils ont divergé. Qu'est-ce qu'on doit essuyer exactement de la tête ? Quelle est la quantité de la tête qu'on doit essuyer ? Trois avis. D'accord ? Il y en a qui disent la boud an tamsa rasa kullu. Na'am kullahu. Wa huwa as-sawab. Il y en a qui ont dit tu dois essuyer toute la tête. Et c'est ça qui est authentique. Toute la tête. D'accord ? Pourquoi ? C'est ça qui est authentique, yani c'est ça qui est juste. يَنَّ فِي الْآيَةِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. الْبَا هُنَا لَيْسَ بَا التَّبْعِيدِ إِنَّمَا الْمَقْصُودِ بِهِ أَلْسِقُوا أَيْدِيَكُمْ بِرُؤُوسِ. وَهَذَا يُعْرَفْ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ بِبَاءِ الْإِلْسَاقِ. Parce que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit essuyez vos têtes, bi, avec la lettre bi ici, بِرُؤُوسِكُمْ. Et certains ont dit bi, ça veut dire une partie. Ce qu'on appelle ba at-tab'id. Une partie. Mais les autres ont dit non. Ici, le ba, c'est le fait de mettre ses mains et passer sur toute la tête. D'accord ? Et ça aussi, c'est connu dans le sens, dans la langue arabe, pour le sens du ba. On l'appelle ba ou al-ilsaq. وجاءت السنة على ذلك حديث عبد الله بن زيد فبدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم عاد إلى مقدم رأسه والحديث في الصحيحين. Et aussi, ce qui vient confirmer cela, c'est quoi? C'est le hadith ou la sunna, et notamment le hadith de Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, où il a dit il a commencé avec le début de la tête, ici le front, et il est parti avec les deux mains jusqu'à la nuque, et ensuite il est revenu jusqu'au début là du front. Et le hadith est dans As-Sahihayn, le Bukhari au Muslim. Et ça, c'est khilaf khalafa man al-Shafi'i. Shafi'i, il voit que ici le bas, hein, bima'na at-tab'id, donc il dit qu'il suffit d'essuyer une partie de la tête. Le Shafi'i dit tu fais juste une partie, ça suffit. D'accord ? Mais ça, hein, ce qol, il n'est pas juste. Et ce qui est juste, c'est le qol de l'imam Malik et de l'imam Ahmed, que tu dois essuyer toute la tête. Hein. Et un troisième qol qui dit un cheveu suffit. Un cheveu suffit. Al-Muhim. Ensuite, il dit قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre السباحتيه. Yani, hein, ces deux doigts, en français qu'on appelle l'index. Ces deux index في أذنيه. Il les rentre dans les oreilles. Hein? ويمسح بإبهاميه. C'est quoi l'ibham? Le pouce. Et le pouce, il fait un zahirihima. D'accord ? Derrière, ici. D'accord ? Hein ? Donc, avec l'index, il nettoie l'intérieur des oreilles. Et avec le pouce, hein, l'extérieur, l'arrière des oreilles. Naam ? Wa huna yurid an yushira ila an al-udhunayn min ar-ras. Hein ? Kama tamsahu ar-ras, tamsahu al-udhunayn. كما روى هذا عدة من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. Hein? Et donc, hein, ici l'auteur veut nous dire que les oreilles font partie de la tête. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. Et essuyez sur vos têtes. Il dit, il veut nous montrer que les oreilles font partie de la tête. D'accord ? Et le prophète, comme ceci a été rapporté par un nombre de sahaba, et aussi le prophète a dit, il a dit les deux oreilles font partie de la tête. Sallallahu alayhi wa sallam. Et wa al-hadith sahih, wa al-sahih, hadith sahih. Tayyib ? Pardon, ah. Il y a des gens qui yamsahoun al-ras, ah. Thumma yakhudou al-ma'ad al-udunay. La, bimasah wahid. Awa, al-masah, bimasah wahid. Là, il n'a pas mentionné. Mais al-mas'h yakhtalif min al-ghusl. Hein? C'est pour ça dans le verset, on va le parler après, mais il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset? Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu, lavez. C'est-à-dire tu prends l'eau et tu laves. Hein? Tu laves. Wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu, et essuyez. Essuyez, hein, c'est pas tu mets de l'eau. Juste tes mains sont mouillées et tu essuies simplement. Tu n'as pas à prendre de l'eau. Donc tu prends tes mains mouillées. Tes mains sont toujours mouillées, tu fais tes oreilles. Tu n'as pas à reprendre. Ça n'a pas été rapporté dans la sunna, hein, ni dans le verset, qu'il faut reprendre de l'eau ou remouiller ses mains pour les oreilles. Mais plutôt, avec le même essuyage, tu fais la tête en premier et après les oreilles. Fahimtoum ? Tayyib. Jazakallah khairan. Combien de temps il reste ? Deux minutes. Allahu Akbar. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. Ensuite, il lave ses deux pieds avec les chevilles. Tamaa ou il a ici? Maa. Avec les deux chevilles, trois fois. وهذا ركن من أركان الوضوء بنفس الآية على القراءتين. وأرجلكم وفي قراءة أخرى وأرجلكم. Ici, regardez, mais on va terminer sur cette masala parce qu'elle est très importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ensuite, il dit quoi? Wa arjulakum. Ça, c'est dans une lecture. Vous savez, le Coran, il a plusieurs qira'at. Wash, wahas, wa qalun, etc. Hein? Dans certaines lectures, il dit Wa arjulakum. Wa arju. Lakum. Sur le lem, il y a quoi? Fatha. Wa arju lakum. Donc ce arju lakum et vos pieds, ici revient à quoi? Au rusl. Wa arsilu wujou hakum. Wa aidi yakum. Et donc wa arju lakum. C'est-à-dire que là, ça revient au fait de laver. Donc on lave les pieds. Taïeb. Mais dans d'autres lectures, Allah Azza wa Jal dit wa arju likum. Il y a quoi sur la lame? Kasra. Et ça revient à quoi? Wamsahu biru usikum wa arjulikum. C'est-à-dire, on passe les mains mouillées. Ah, Mouchkil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de passer les mains mouillées sur les pieds? Donc on peut passer les mains mouillées sur les pieds, ouais, comme les chiites. Aïwa, Hassan, hada dalil al-aish ala masah al-khuffayn. Ça c'est une preuve qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes. D'accord? Qal al-ulama al-qira'a wa arjulakum avec une fatha, hein? Wa mahmoula ala al-ghusl. Wa al-qira'a wa arjulikum bil-kasr. Hiya mahmoula ala al-masah wal-masah. لا يكون إلا إذا كانت الرجلين داخلين الخفين ها وإذا كانت الرجلان بغنو ها داخلان الخفين أو الجوربين ها والذي يتوضأ ولا يغسل رجليه جيدا فيه وعيد شديد ها ويل للأعقاب من النار متفق عليه ها. Donc aussi, hein, la première lecture indique le lavage des pieds, hein, et la deuxième lecture indique le fait de passer les mains mouillées sur les chaussettes. Tayyib, hein. Et aussi, il faut faire attention, hein, de bien laver ses pieds, mes frères, dans les ablutions, car il est venu un châtiment, hein, ou une menace sévère pour celui qui ne faisait pas bien ses pieds. Il a dit, faites attention à vos talons. Cela fait partie du feu. C'est-à-dire que si tu ne laves pas bien tes talons, hein, tu as une menace sévère sur toi. Donc pourquoi les talons? Parce que généralement c'est là où les gens, hein, ne prêtent pas attention, hein, ils sont laxistes, hein, ils lavent les pieds, ils ne font pas attention aux talons. Le prophète les a mis en garde, attention les talons, hein. Vous voyez, on va s'arrêter là parce que c'est l'adhan et le chapitre, il reste encore pas mal de choses à mentionner. Eh ouais, ça, on va justement, c'est venu après. Marra wahida, hada al-wajib. Amma marratayn ou thalatha marrat, hada sunna. On va le voir après, inchallah. Marra wahida kafia. Kafia, naam. Bil aya. Ani l'aya, il mentionne une seule fois. Mais on va voir, inchallah, on va voir que Nabi sallam kana yatawadda marra. Naam. On va le voir ça la semaine prochaine, inchallah. Jazakum Allah khairan ya ikhwa. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.